cache dans le cœur de croyants. Te cache dans le cœur de croyants, amour. Juste un tour, amour, sur la terre, amour. Ouvrez la terre de tes ailes, amour, pour chasser de loin toute la haine. Bye. desarmar.